Un soir, que du haut de son balcon, il venait de les regarder partir, il vit de loin et son nez sur le pont d'Arcole. Le bohème se mit à l'appeler par des signaux, et Frédéric, ayant descendu ses 5 étages, « Voici la chose, c'est samedi prochain, 24, la fête de Madame Arnoux. »« Comment ? Puisqu'elle s'appelle Marie ?»« Angèle aussi, n'importe. On festoiera dans leur maison de campagne à Saint-Cloud. Je suis chargé de vous en prévenir. Vous trouverez un véhicule à 3 heures au journal. » »« Ainsi convenu. Pardon de vous avoir dérangé, mais j'ai tant de courses. » Frédéric n'avait pas tourné les talons que son portier lui remit une lettre. « Monsieur et Madame d'Ambreuse prient Monsieur Frédéric Moreau de leur faire l'honneur de venir diger chez eux samedi 24 courant. Répondez, s'il vous plaît. » « Trop tard, » pensa-t-il. Néanmoins, il montra la lettre à Deslauriers, lequel s'écria. « Ah, enfin ! Mais tu n'as pas l'air content. Pourquoi ?» Frédéric, ayant hésité quelque peu, dit qu'il avait le même jour une autre invitation. « Fais-moi le plaisir d'envoyer bouler la rue de Choiseul. Pas de bêtises. Je vais répondre pour toi, si ça te gêne. » Et le clerc écrivit une acceptation à la troisième personne. N'ayant jamais vu le monde qu'à travers la fièvre de ses convoitises, il se l'imaginait comme une création artificielle, fonctionnant en vertu de lois mathématiques. Un dîner en ville, la rencontre d'un homme en place, le sourire d'une jolie femme pouvaient, par une série d'actions se déduisant les unes des autres, avoir de gigantesques résultats. Certains salons parisiens étaient comme ces machines qui peignent la matière à l'état brut et la rendent centuplée de valeur. Il croyait aux courtisanes conseillant les diplomates, aux riches mariages obtenus par les intrigues, au génie des galériens, aux docilités du hasard sous la main des forts. Enfin, il estimait la fréquentation des D'Ambreuse tellement utile et il parla si bien que Frédéric ne savait plus à quoi se résoudre.